Le lendemain, chez les fabricants où Mademoiselle Fischer porta son ouvrage, elle prit des renseignements sur l'état de sculpteur. À force de demander, elle réussit à découvrir l'atelier des Florent et Chanor, maison spéciale où l'on fondait, où l'on ciselait les bronzes riches et les services d'argenterie luxueux. Elle y conduisit Steinbock en qualité d'apprenti sculpteur, proposition qui parut bizarre. On exécutait là les modèles les plus fameux d'artistes, on n'y montrait pas à sculpter. La persistance et l'entêtement de la vieille fille arrivèrent à placer son protégé comme dessinateur d'ornements. Steinbock sut promptement modeler les ornements, il en inventa de nouveaux, il avait la vocation. 5 mois après avoir achevé son apprentissage de ciseleur, il fit la connaissance du fameux Stidmann, le principal sculpteur de la maison Florent. Au bout de 20 mois, Venceslas en savait plus que son maître. Mais en 30 mois, les économies amassées par la vieille fille pendant 16 ans, pièce à pièce, furent entièrement dissipées. 2 500 francs en or. Une somme qu'elle comptait placer en viager, et représentée par quoi? Par la lettre de change d'un Polonais. Aussi Lisbeth travaillait-elle en ce moment comme dans sa jeunesse, afin de subvenir aux dépenses du Livonien.